إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Donc on va continuer les frères, inchallah, sur l'explication de la lettre, de l'introduction de la lettre d'Ibn Abi Zayd. Et on est toujours sur l'explication de ce passage très important du livre lorsqu'il parle de ce qu'on nomme Al-Qadr, la prédestinée et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hier, dans l'explication de Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah, on s'était arrêté lorsqu'il a mentionné des versets prouvant que celui qui cherche le bien et qui met en pratique le bien, qui répond favorablement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui veut donc la guider, Allah jalla wa ala le guidera vers cette guidée et lui facilitera le cheminement vers le chemin droit. À l'inverse, on avait dit que celui qui choisit justement le chemin de l'égarement et du mal, alors ce chemin-là lui sera facilité. Il sera facilité et il n'aura pas de succès. Il ne connaîtra pas le succès, ne sera point guidé. Et donc hier, on s'est arrêté, hein, sur la mention de certains versets qu'a mentionné Ashir ici, prouvant cela. Par exemple, on avait mentionné le verset lorsqu'Allah dit « فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » Allah dit « Et lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. » Donc lorsqu'ils ont dévié, Allah Jalla wa Ala a fait dévier leur cœur. Et on avait dit aussi que Cheikh a dit « فَاللَّهُ لَا يَهْدِيهِمْ بِسَبَبِ الْفِسْقِ وَلَا يَهْدِي الْكَافِرِينَ بِسَبَبِ الْكُفْرِ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بِسَبَبِ الظُّلْمِ فَالْأَشْيَاءُ مُرْتَبِطَةُ بِأَسْبَابِهَا » Donc regardez, Cheikh nous dit ensuite, il dit donc à cause de leur incrédulité et de leur mécréance, Allah Jalla wa Ala ne les a point guidés. Et il dit « وَلَا يَهْدِي الْكَافِرِينَ بِسَبَبِ الْكُفْرِ وَلَا يَهْدِيهِمْ بِسَبَبِ الْفِسْقِ » Donc à cause de leur perversion, Allah Jalla wa Ala, à cause du fisq, il ne les a point guidés. Comme il dit « وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » Et ne guide pas la gente injuste à cause de leur injustice. À cause de leur injustice. Et c'est pour cela qu'ensuite on avait terminé en mentionnant le verset dans Surat al-Layl, du verset 5 jusqu'au verset 10, lorsqu'Allah dit « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » Et on avait cité ce verset qui est une preuve aussi claire qu'Allah dit « Lorsqu'ils ont donné, ils ont dépensé, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah, lorsqu'ils ont donné, et qu'ils ont fait preuve de taqwa, c'est-à-dire ils ont fait le bien, ils ont choisi le bien, « Amma man a'ta wa taqa » En ce qui concerne ceux qui ont donné et qui ont fait preuve de piété, « wa saddaqa bil husna » et ils ont accordé foi à l'husna, Allah dit « Fasanu yassiruhu lil yusra » Allah va leur faciliter justement l'affaire, « al-yusra » Et il dit à l'inverse, comme on avait dit à l'inverse, « wa amma man bakhila wa staghna » وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى Allah dit فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Donc on a الْيُسْرَى وَالْعُسْرَى الْعُسْرَى c'est l'inverse. Donc ceux qui ont fait du bien, qui ont donné, dépensé, qui ont fait preuve de piété, ils ont accordé foi al-husna, Allah va leur faciliter, il dit al-yusra. Tandis que ceux qui font l'inverse, et eux, au lieu de donner, ils ont fait preuve d'avarice, wastarna, ils se sont passés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont démenti al-husna, Allah dit, alors il va leur faciliter l'inverse de l'yusra qui est al-usra. Al-usra. Donc vous avez vu que donc celui qui veut le bien, qui choisit de faire le bien, Allah va lui faciliter le chemin du bien. Et celui qui désire le mal et choisit le chemin du mal, Allah ne va pas lui accorder le succès et le guider dans le chemin du bien. فَأَمَّا الَّذِي يُحِبَّ الْخَيْرِ وَيَقْبَلَ الْخَيْرِ وَيُقْبِلْ عَلَى الْخَيْرِ وَيَطْلُبَ الْخَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يُوَفِّقُهُ وَيَهْدِي. Et pour cela, ensuite, Cheikh nous dit, et en ce qui concerne maintenant celui qui aime le bien et qui accepte le bien et qui s'empresse vers le bien, alors il dit, et qui demande le bien, Allah va lui accorder la réussite et va le guider. Il va le guider. Comme Allah dit dans le verset, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dans le verset, Allah Jalla wa'ala dit, et quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira la piété. Vous avez vu dans le verset Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, et ceux qui se mirent sur la bonne voie. Donc, ils ont choisi la bonne voie. Et ils ont choisi le bien. Allah Jalla wa'ala dit, Zadahum huda. Allah subhanahu wa ta'ala les guida encore plus. Il leur a donné encore plus de huda. Il les a encore plus guidés. Pourquoi Allah Jalla wa'ala les a plus guidés? Parce qu'il nous dit dans le verset, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, ceux, justement, qui se mirent sur le chemin droit, la bonne voie, ceux qui ont choisi Al-Huda. Allah Jalla wa'ala, eh ben, va leur rajouter de cela, de ce Huda. C'est pour ça qu'il les traduit, et les guidera encore plus, et leur inspirera la piété. وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Ils ont traduit comme ça, leur inspirera la piété, yani, وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Quand est-ce que Allah Jalla wa'ala, en plus, il va leur donner, hein, at-taqwa, quand est-ce qu'ils ont choisi de cheminer sur le droit chemin, ils ont choisi al-huda. Et pour cela, Cheikh nous dit, وَأَمَّا الَّذِي يُعْرِضْ عَنِ الْخَيْرِ وَيَكْفُرْ بِهِ وَيُعَانِدْ فَإِنَّ اللَّهَ يَخْذُلُهُ عُقُوبَةً لَهُ وَعَدْلًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ. Et ça, c'est une règle. Regardez ce qu'il nous dit, Cheikh, ensuite. Il nous dit, par contre, celui qui s'écarte et se détourne du bien et mécroit en ce bien, en cela, وَيُعَانِدْ, et fait preuve d'orgueil, d'entêtement, de vanité, il s'entête, يُعَانِدْ, فَإِنَّ اللَّهَ يَخْذُلُهُ عُقُوبَةً لَهُ وَعَدْلًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Alors ensuite, eh ben, cet individu-là sera abandonné et Allah Jalla wa'ala le laissera à lui-même. Et de ce fait, par punition, le Cheikh nous dit, عُقُوبَةً لَهُ, par punition, mais aussi ce qu'il faut retenir, par justice. عُقُوبَةً لَهُ wa عَدْلًا مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc vous comprenez, ça c'est très important pour comprendre beaucoup de choses liées, bah, à la vie des êtres. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَا يُضِلْ أَهْلَ الْإِيمَانِ. Pour cela, Allah, il n'égare pas les gens qui ont encore des foi en lui. Ce qu'on nomme Ahl al-Iman. Ceux qui ont l'Iman, qui ont la foi, ceux qui ont encore des foi en lui, Allah, Jalla wa'ala, il dit, ne les égare pas. وَلَا يَهْدِي أَهْلَ الضَّلَلِ الَّذِينَ لَا يَقْبَلُونَ. Mais aussi, à l'inverse, Allah, Jalla wa'ala, ne guide pas les gens de l'égarement. Ceux qui n'ont pas accepté la vérité et qui n'ont pas accepté la droiture et le bon chemin. وَلَكِنَّهُ يَضَعَ الْأُمُورِ فِي مَوَضِعِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala met chaque chose à sa place. Subhanahu wa ta'ala. وَيَضَعَ الْهِدَايَةَ فِي مَوَضِعِهَا وَيَضَعَ الْإِضْلَالَ فِي مَوَضِعِهَا وَهَذَا كُلُّهُ عَدْلٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَفَضْلٌ وَحِكْمَةٌ. Donc Allah Jalla wa'ala met chaque chose à sa place. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala décrète la guider où il le faut et l'égarement où il se doit. Et Allah Jalla wa Ala, Muhada, et Cheikh nous dit, et tout cela fait partie de la justice d'Allah, de son bienfait et de sa sagesse infinie. Walihada, pour cela, dans un hadith, Cheikh nous rappelle un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَقَالَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّحَابَةِ. Un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم s'est adressé à ses compagnons. فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Le prophète, un jour, en s'adressant à ses compagnons, il leur dit, il n'y a pas un seul parmi vous sans que sa destinée, sa place, soit au paradis ou en enfer, lui soit destinée et écrite. Regardez, en s'adressant à son compagnon, il leur dit, il n'y a pas un seul d'entre vous sans que sa place soit au paradis ou en enfer lui soit décrétée, écrite, yani kutibala. Alors, wadhalika, le cheikh nous dit, wadhalika bi qada illahi. Et cela, c'est la prédestination, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala as-sahaba. Alors, les compagnons ont dit au prophète, ya Rasulallah, afala nattakil ala kitabina wa nada al amal. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أي من كتب له أن يدخل الجنة يدخلها ومن قدر له أن يدخل النار دخلها. Alors les compagnons ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, est-ce que donc on va pas s'appuyer sur ça, se remettre à ça, yani on va s'appuyer sur ça et on va délaisser les bonnes actions? Regardez l'interrogation des compagnons. Donc ils interrogent le prophète, Ya Rasulallah, est-ce qu'on ne va pas s'appuyer sur ça, c'est-à-dire sur ce qui a été écrit pour nous et décrété pour nous, et on va délaisser l'action, et, c'est-à-dire dans le sens que ce qui nous a, ceux pour qui a été prédestiné le paradis, ils rentreront au paradis, et ceux à qui a été prédestiné l'enfer, ils rentreront en enfer. Donc, c'est-à-dire, on ne va plus agir et on va rester comme cela. Regardez ce que le prophète Sassam leur a répondu. Irmalou. Agissez. Œuvrez. Irmalou. Fakullu muyassar lima khuliqala. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Œuvrez, agissez. Dans le sens accomplissez les bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne sans qu'il lui soit facilité l'ima khuliqala, sans que la voie pour laquelle il a été créé lui soit facilitée. Donc le prophète sallam dit irmalou fa kullu muyassarun lima khuliqala. Thumma qara'a, et c'est là que ensuite le prophète sallam leur a récité le verset 5 jusqu'à 10 de sourate la nuit. Regardez, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فبين سبحانه أن الإضلال والهداية بسبب من العبد والعدل من الله جل وعلا وفضل منه. Donc regardez, ensuite le prophète Sam leur a récité ces versets qu'on a mentionnés tout à l'heure, qu'on a mentionné et qu'on avait dit aussi hier, on s'est arrêté sur ça, les versets justement. Alors le prophète sallam leur dit, irmalou, lorsque les compagnons ont su que de toute manière celui dont son futur, c'est-à-dire dans l'au-delà, sera le paradis ou bien l'enfer, que cela est décrété, est déjà prédestiné. Alors les compagnons interrogent le prophète sallam et chacun sa place est prédestinée. C'est-à-dire que chacun sa place, soit au paradis ou en enfer, et le prophète ensemble s'est adressé aux compagnons, mais aussi cela est valable pour le reste des hommes, et toutes les générations qui vont leur succéder et les suivre. Cela est valable pour nous tous, pour tous les hommes. La place de l'individu est prédestinée. De ce fait, ils ont dit, est-ce qu'on s'appuie sur ça et on n'agit pas, on arrête d'œuvrer, on arrête justement d'œuvrer, ou non au messager d'Allah? Et le prophète leur dit non, œuvrez justement. Parce que le prophète dit irmalou fa kullun muyassarun lima khuliqala. Lima khuliqala. Et ensuite, il récita les versets. C'est-à-dire que celui, comme on a dit tout à l'heure, Allah dit que celui qui donne, dépense dans le sentier d'Allah et fait preuve de piété et il accorde foi au husna, Allah va lui faciliter le bon chemin. Et va lui faciliter al-yusra. Tandis que celui qui prive, qui fait preuve d'avarice, qui fait pas preuve de piété, wastarna, il se passe de l'adoration d'Allah, et il mécroit et démentit al-husna, Allah dit, il va lui faciliter al-usra. Vous avez vu? Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui choisit de faire le bien, et qui veut le bien, qui veut la récompense de son Seigneur, l'agrément de son Seigneur, Allah va lui faciliter. Celui est le guidé donc, parce que celui qui veut la guider et il implore Allah la guider, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Par contre, celui qui choisit l'égarement et l'errance et le mal, alors la voie du mal lui sera facilitée. Wadih al-kalam, vous comprenez? Vous comprenez? Sauf qu'Allah jalla wa ala nous a donné le choix de choisir donc. On a compris que donc, on a le choix entre choisir le bien ou le mal. On a le choix. Sahoulala, on a le choix. Donc tu as le bien face à toi, devant toi, et tu as le mal. Si tu veux faire le bien, tu peux le choisir. Allah t'en a donné là, la capacité. Tu choisis le bien. Si tu veux le bien la guider, qu'est-ce qui se passe? Allah va te rajouter de ses bienfaits et de la guider. Il va te guider. Si tu choisis de ton propre chef, le mal et l'égarement, alors tu seras égaré. Et cela par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut obéir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et œuvrer et bien agir et faire ce pourquoi on a été créé. On a été créé pourquoi? Et on revient toujours à l'origine, pour l'adoration d'Allah. Vous avez vu, le prophète Sam dit "I'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah." On a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on a compris, c'est pour ça, c'est un apaisement. On est apaisé de fait que celui qui se rend compte que s'il choisit le bien, il veut le bien et il est sincère, il le fait pas pour le regard des gens. Il le fait pas pour attirer les éloges et les remerciements, attirer les faveurs des autres. Lui, ce qu'il veut, c'est les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits d'Allah. Si tu choisis la bonne voie, le bon chemin, l'adoration d'Allah, et ton seul but et objectif, c'est de satisfaire ton Seigneur, Allah te guidera, bi'idhnillah, par sa permission. Wadih al-kalam? Tayyib. Et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre le destin. Sauf que, et regardez bien, sauf que, lorsque vous avez face à vous le chemin du bien et le chemin du mal, Allah vous a donné le choix, comme on a dit précédemment. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de divergence. Unanimité des gens de la sunna. Depuis l'époque du prophète jusqu'à notre époque, unanimité des gens de la sunna, et ça fait partie de notre dogme et de notre credo et de notre croyance, qu'on a le libre arbitre. Seuls ont réfuté cela les doctrines hérétiques, les hérétiques et les innovateurs et les gens des passions. Al-Bidar, ceux qui ont été égarés du droit chemin. On a le libre arbitre, on peut choisir. Sauf que, voilà pourquoi ça a été consigné. Allah savait ce que tu allais choisir. Et Allah sait, il a la science infinie. Allah savait que tu aurais choisi le chemin du bien ou bien le chemin du mal. Donc ça a été inscrit et consigné fi lawh al-mahfouz. Tout a été précédé. Parce qu'Allah jalla wa ala a la science infinie subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez martabat al-ilm? Lorsqu'on parle du degré de al-ilm, c'est pour cela que lorsqu'on va parler de al-qadariyya, et comme va dire Cheikh ensuite, il va dire wa hada khilaf qawl al-qadariyya alladhina yaquluna inna Allah lam yurid al-kufr wa lam yurid al-shar. Contrairement à la conviction de al-qadariyya. Al-qadariyya, ce qu'on nomme al-qadariyya, c'est les négateurs du destin. C'est les négateurs du destin. Et là, ça tombe très bien à ce moment donné que Cheikh ici maintenant nous parle des négateurs du destin. Notre croyance, contrairement aux négateurs du destin. Ceux qui ont nié le destin, justement, ils ont nié cette croyance-là. C'est pour ça que les grands imams, lorsqu'on parlait ici là de l'ilm, de la science, les grands imams, ils disent, si vous voyez des négateurs du destin, et ils veulent débattre avec vous. Alors orientez-les vers le degré du ilm, de la science. Orientez-les vers le degré de l'ilm, la science. Si ils approuvent le degré de l'ilm, la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils seront bloqués et ils devront reconnaître et professer la croyance des gens de la sunna, c'est-à-dire affirmer et croire au qadr. Pourquoi ? Parce que s'ils affirment la science infinie d'Allah, tout simplement alors, les hommes ont le libre arbitre, la capacité de pouvoir choisir, sauf que Allah Jalla wa Ala savait tout, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, tout a été consigné. S'il croit en ce degré, c'est-à-dire ilmullah, la science d'Allah, alors, de ce fait, ils comprendront pourquoi tout a été décrété, consigné, fi lawhil mahfouz. Ils comprendront cela. Par contre, les imams disaient, si ils mécroient au premier degré qui est darajat al-ilm, le degré de al-ilm, faqad kafaru. Ils ont certes mécru. Kafaru. Ils ont certes mécru. Comme l'a indiqué l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme ont indiqué cela, ceux qui mécroient au degré du ilm, la science infinie d'Allah, faqad kafaru. Ils ont certes mécru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa-al-Sheikh nous dit, وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْقَدَرِيَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ. Donc la croyance des gens de la sunna, contrairement à la parole de Al-Qadariya. Al-Qadariya. Al-Qadariya, comme on a dit précédemment, c'est les négateurs du destin. C'est qu'on y est. Et le premier à avoir rapporté ça, vous savez c'est qui? Le premier qui a rapporté cette doctrine et cette pensée fausse et égarée, beaucoup de savants, une majorité, beaucoup de savants considèrent que c'est Ma'bad al-Johani. Le premier, c'est Ma'bad al-Johani, et il a pris cela d'un Majus. Certains ont dit d'un Majus, d'un païen, d'un Mazdéen, et d'autres ont dit de Rajulun Nasrani. Il a pris d'un Nasrani. Al-Muhim, beaucoup, en résumé, lorsque vous cherchez dans cette question, dans les livres de croyances et de l'histoire, beaucoup disent que c'est Ma'bad al-Johani pour résumer. Sinon, il y a d'autres avis. Certains ont dit que les premiers à avoir parlé sur la question du Qadr, vous pouvez trouver que certains ont dit que c'est à l'époque de lorsque Abdallah ibn Zubayr avait été encerclé. Encerclé lorsqu'il était à proximité de la Kaaba. Il était à Mekka. Il était à la Mekka. Et vous connaissez l'histoire ensuite, à un moment donné, Abdallah ibn Zubayr a été, et c'était le fils de Zubayr ibn al-Awam, l'un des 10 annoncés au paradis. Donc Abdallah ibn Zubayr, même certains disent, c'est le premier né à Médine. Donc parmi les savants, parmi les petits compagnons, parmi les grands savants, il fait partie de Abadila al-Arba'a, parmi les 4, Abdallah ibn Zubayr, ou Abdallah ibn Abbas, ou Abdallah ibn Omar, ou Abdallah ibn Amr ibn al-As. Les 4, Abdallah. Abdallah ibn Zubayr, il y a un épisode où, à un moment, il a été persécuté, et à un moment, alors qu'il se trouvait à la Mecque, proximité de la Kaaba, donc il fut encerclé. Il y a eu un hissar, il fut encerclé, et de là, il fut tué. Il fut tué, et la Kaaba a subi des dommages et des dégâts. Donc certains ont dit, ces dégâts-là, ça a été décrété par Allah. Et certains ont dit, non, Allah n'a pas décrété cela. Donc certains ont dit, la première parole concernant Al-Qadr et le refus de la prédestinée et du décret d'Allah, c'était à ce moment-là. Certains historiens, certains savants ont dit cela. Il y a une autre théorie aussi une autre thèse qui a été dite sur le premier qui a nié et parlé sur le destin. C'est un homme qui s'appelait Amr. Amr al-Maqsous. Amr al-Maqsous. Un homme, ça c'était à l'époque de Muawiyah ibn Yazid. À l'époque de la dynastie Omeyyade. Muawiyah ibn Yazid, on l'appelle le deuxième Muawiyah. Ou le petit Muawiyah. On l'appelle le petit Muawiyah al-Sagir, le petit Muawiyah. Amr, et à l'époque, ils disent qu'il y avait un homme, Amr al-Maqsous, qui était l'enseignant de Muawiyah ibn Yazid à cette époque. Et que lui, Amr ibn Maqsous, aurait rapporté cette pensée-là, la négation du destin. Certains ont dit que cela est daif, que cela est faible, que que cela est faible, d'autant plus que Muawiya ibn Yazid n'aurait pas pu propager ensuite cela du fait qu'il faisait partie des hommes pieux. Il, dans sa biographie, il est dit que c'était Rajulun Salih. C'est un vertueux, un homme pieux. Donc cette thèse, beaucoup savants ont dit qu'elle est daïfa, elle est faible. Ce que vous allez trouver dans la majorité des savants, défendent l'avis que le premier qui a parlé sur le Qadr, qui a rapporté cela, c'était Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Et ça revient à ce qu'on avait mentionné lorsqu'on avait parlé du hadith de Jibril. Hadith de Jibril, lorsque Yahya ibn Ya'mur et Dirac, ils sont partis avec son sahibihi, avec son compagnon, on avait dit Humayd ibn Abdurrahman, ils sont partis faire le pèlerinage ou le petit pèlerinage pour rencontrer les compagnons. Ils ont rencontré Abdallah ibn Omar et lui ont fait part. Et lui ont fait part de la parole de Ma'bad al-Juhani et de ses adeptes, de ses disciples, concernant la négation du destin. C'est pour cela que beaucoup considèrent que le premier qui a parlé et qui a rapporté cette pensée qui a nié le destin, parmi eux, Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ensuite, il a été suivi par un homme. Il a été suivi, donc ça c'est en Irak, hein. Il a été suivi par un homme qui s'appelait Rilan. Rilan al-Dimashqi. Rilan al-Dimashqi. Ensuite, lui aussi, il a repris cette pensée-là. Il a repris cette pensée-là. Il fait partie de ceux qui étaient célèbres, hein, qui diffusaient et propageaient cette pensée-là. Il s'appelait Rilan al-Dimashqi. Et ensuite, plus tard, cette pensée-là de la négation du destin, ce qu'on appelle al-Qadariya. Donc vous avez compris, hein, lorsqu'on dit al-Qadariya, ce sont les négateurs. Pourquoi ? Parce qu'après, on va parler de l'inverse, de son opposé, ce qu'on appelle al-Jibriya. Al-Jibriya, eux, c'est l'opposé. Donc comprenez bien, Al-Qadariya, donc ensuite, cette pensée-là a été reprise et mise en avant et propagée par les têtes, Ru'us al-Mu'tazila, par les fondateurs de la doctrine mu'tazilite. Et on avait dit les fondateurs, Wasil ibn Atta, wa Amr ibn Ubayd. Donc Wasil ibn Atta, wa Amr ibn Ubayd ont repris cela. Et c'est pour cela que la doctrine des Mu'tazilites, on les appelle souvent, vous allez trouver dans les livres, ils s'appellent Al-Mu'tazila Al-Qadariya. Al-Qadariya Al-Mu'tazila. Pourquoi ? Parce que eux ont mis en avant ensuite et propagé cette doctrine-là qui est la négation du destin. Qu'est-ce que la négation du destin ? Qui sont ces gens qu'on appelle donc les négateurs du destin ? Donc là, on a fait un petit bref aperçu historique sur comment est né cela. Donc vous avez compris ? Ce courant-là, cette doctrine égarée, hein, concernant la question du Qadr, est née à la fin de l'ère des compagnons. Donc vous avez vu, hein, Ma'bad al-Juhani, donc lui était présent pendant l'ère des compagnons, c'est-à-dire la fin de l'ère des compagnons. C'est pour cela que Abdallah ibn Omar, lorsqu'il a entendu cette revendication et cette négation du destin, cette hérésie, hein, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'en est innocenté, il l'a réprouvé, il l'a condamné. Mais certains savants disent que avec Abdallah ibn Omar, il y a d'autres compagnons aussi. Il est rapporté que d'autres compagnons aussi ont condamné qawl al-qadariya, la parole et la conviction des la doctrine des négateurs du destin. Parmi eux, comme on a dit précédemment, Abdallah ibn Omar, parmi les compagnons, il y avait Abdallah ibn Abbas aussi, qui a condamné et réprimé et réprimandé cela. Il y avait Anas ibn Malik aussi, parmi ceux qui sont innocentés et désavoués de cette croyance-là. Il y avait Abdallah ibn Abi Awfa, parmi les compagnons Abdallah ibn Abi Awfa aussi. Il y avait Uqba ibn Amir. Il y avait aussi Wathila ibn al-Asqa' plutôt. Et aussi on a Abu Huraira parmi les compagnons qui rapportaient qui se sont innocentés et ont désavoué cette doctrine et cette pensée qui commençait à se propager. Donc vous avez vu, eux c'est à la fin de l'ère des compagnons. C'est quoi cette doctrine de la négation ? Les négateurs de la prédestination, que va vous dire Shir ? Regardez. Eux, c'est quoi ? C'est, ils nient la prédestination des œuvres. Ils affirment que le serviteur, pour eux, le serviteur possède une volonté et une capacité indépendante. Ils ont une volonté, une capacité indépendante de la volonté et du pouvoir d'Allah. Donc, comme on a dit, le précurseur de cette doctrine, donc c'est Ma'bad al-Juhani. Et comme il est dit, on a dit, il a pris cela, beaucoup disent qu'il a pris de Al-Majus, d'Al-Majus. Et quand on dit qu'il a pris cette croyance d'un homme Majus en Irak, à l'époque, Ma'bad al-Juhani, ça fait référence à un hadith qui est rapporté. Un hadith qui est rapporté où il est rapporté que le prophète aurait dit Al-Qadariya Majus ou Hadihil Ummah. Que Al-Qadariya, les négateurs du destin, ce sont les païens, les Majus, les Mazdéens de notre communauté. Et même de là, certains savants ont expliqué cela, lorsque dans le récit il est dit Al-Qadariya, Majus ou Hadihil Umma, que ceux-là justement, les négateurs du destin, sont les Mazdéens et les païens de notre communauté, de cette communauté, en disant qu'il y a une réelle, et c'est vrai, véritablement, il y a une ressemblance entre eux ou Al-Majus. Entre eux ou Al-Majus. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre leur doctrine. Regardez lorsqu'ils disent que les négateurs, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nient la prédestination des œuvres. C'est-à-dire, ils affirment que le serviteur possède une volonté, une capacité qui est indépendante de la volonté du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, le serviteur, c'est lui qui crée ses actions. Et là, ça revient au degré de al-khalq ou al-ijad, la création. On a dit, toutes les choses, tout ce qui est dans cet univers, c'est Allah Jalla wa Ala qui a créé cet univers et tout ce qu'il y a dans cet univers. Il est le créateur de toutes choses. Et Allah nous dit dans un verset, qui nous a créés et il a créé nos actions. Eux, ils disent que non. Et pour eux, donc, ils considèrent que le serviteur possède une volonté, une capacité qui est indépendante. Indépendante. Donc, ils font des choses indépendamment de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez. Regardez. Pour eux, donc, regardez ce que va nous dire Cheikh Al-Fawzan. Et ensuite, on va revenir à cette explication du hadith que ce sont les Majus de cette communauté. Cheikh nous dit, on revient maintenant à l'explication de Cheikh Al-Fawzan. وهذا بخلاف القول القدري الذين يقولون إن الله لم يريد الكفر ولم يريد الشر فهذا تعجيز لله أن يكون في ملكه ما لا يريد نقول لا الخير ولا الشر كله بيد الله والكفر والإيمان كله بتقدير الله جل وعلا ما خلقهما عبثا ولا ظلما مثلا السموم خلقها الله وهي ضارة وقاتلة ثم نكمل الكلام في هذا شير alors il nous dit eux qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu le mal et Allah Jalla wa Ala donc lam yurid al kufr il n'a pas voulu la mécréance et n'a pas voulu donc le mal et les savants nationaux ils ont dit le fait de dire cela c'est d'attribuer l'imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala, ou ta'jiz, l'incapacité au Seigneur. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela et on n'a pas le droit de dire cela. Belle, mais plutôt aussi bien le mal que le bien, Allah, tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah décrète ce qu'il veut. Allah Jalla wa ala décrète ce qu'il veut. Ce qu'il faut comprendre dans cela, très important, ce qu'ils font comprendre, comme dit dans At-Tahawiyya, Cheikh Al-Albani a des annotations de la Aqidah At-Tahawiyya. Et c'est expliqué d'une manière très simple, pour bien que vous puissiez comprendre. C'est expliqué d'une manière très simple, et Cheikh Al-Albani a des annotations très simples sur cela. Regardez. Le vouloir et la volonté du Très-Haut, la volonté d'Allah, c'est-à-dire le vouloir et la volonté, ce qu'on appelle Al-Mashi'a ou Al-Irada. Al-Mashi'a ou Al-Irada. C'est-à-dire, le vouloir et la volonté d'Allah, subhanahu du Très-Haut, englobe tout ce qui se produit dans cet univers. Attention, ça c'est très important. Ça, faut l'apprendre par cœur. Il faut bien le retenir. Le vouloir et la volonté d'Allah englobe tout ce qui se produit dans cet univers. Le bien comme le mal. Les négateurs du destin ont nié le mal. Ils vont dire le bien, oui, mais pas le mal. Non. Le bien comme le mal. Mais vous allez comprendre. La droiture comme l'égarement. Les versets sont nombreux et connus, les versets qui affirment cela. Et regardez, c'est ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit, toutes les choses sont entre les mains d'Allah. Wal kufr wal iman kulluhu bi taqdirillahi jalla wa ala. Aussi bien la mécréance que la foi, ça fait partie du décret d'Allah et de la prédestination. Et du destin. Et du destin. Wadih, jusque-là, vous comprenez jusque-là ? Sauf que, regardez, donc il n'y a rien qui se produit dans cet univers sans que le vouloir et la volonté du Très-Haut, d'Allah, je pardonne, englobe tout cela. Englobe tout cela. Et de ce fait, alors, Shir dit, ensuite, mais il faut savoir que cela n'empêche pas. Regardez, il faut savoir que cela n'implique pas qu'Allah aime tout ce qui se produit. Cela, lorsque le mal se produit, il a été décrété, il se produit, cela n'empêche pas, donc, que Allah Jalla wa Ala, ou plutôt cela n'implique pas qu'Allah aime tout ce qui se produit. L'amour est autre que la volonté. L'amour est autre que la volonté. En résumé, qu'est-ce qu'il faut croire ? En résumé, c'est croire qu'il n'y a pas une chose qui se produit sans que cela fût prédestiné et décrété. Par contre, j'espère que personne filme. Hein. On n'accepte pas de filmer, Inch'Allah. Taïb. Maintenant, est-ce que vous avez compris la distinction entre le fait d'aimer et de vouloir ? Si vous avez compris ça, regardez, Sheikh Fawzan va nous l'expliquer de manière très simple avec un exemple. Il va nous donner un exemple. Par exemple, Allah Jalla wa Ala a tout créé. Et tout ce qu'Allah a créé, que ce soit le bien comme le mal, et le fait qu'Allah Jalla wa Ala aussi a créé le mal, ça ne veut pas dire qu'Allah aime cela. Là, mais Allah Jalla wa Ala l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire qu'une chose se passe dans son royaume sans qu'il l'ait voulu. Parce que ça sera imputé à Allah et attribué à Allah l'imperfection et l'incapacité. At-ta'jiz. Et ça, c'est interdit et défendu. Allah a créé toute chose. Et pour toute chose, il y a un bien, un but et une sagesse infinie et immense de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ce qu'on nomme en arabe As-Sumum. As-Sumum. As-Sumum, c'est le poison. Le poison. Donc, le poison, Allah Jalla wa Ala l'a créé. Ça a été créé. Le poison, c'est quelque chose de préjudiciable et waqatil, et qui peut aussi tuer. Donc, le poison, c'est quelque chose de préjudiciable. Il y a un préjudice, une nuisance, et ça peut tuer. Wadih al-kalam, vous comprenez. Et il dit, par contre, si cette matière est mise à sa place, elle peut profiter comme elle peut nuire. Elle peut profiter, écoutez bien, il ne faut rien rater là. Si cette matière est mise à sa place, en son contexte, elle peut profiter comme elle peut nuire. Elle peut nuire. Fayqul shir, ici, regardez. Donc parfois ça peut être une cause de guérison. Donc Allah Jalla wa Ala parfois peut faire qu'elle soit une cause de guérison. Fayuqiruha ala man yurid lahu shifa fayashfa. Fayashfa. Allah Jalla wa Ala, s'il veut pour qu'une personne ça soit une cause de guérison, alors il fera que ça sera une cause de la guérison et l'individu connaîtra la guérison. Par contre, regardez, il dit فالله خلق هذا السم وإن كان قاتلا ولكن فيه حكمة. Et avant cela, il dit, et par contre, elle peut être dans un contexte où qu'elle est préjudiciable, où ce poison est préjudiciable, et dans ce cas-là, la personne peut être touchée par ce poison et connaître le côté préjudiciable de ce poison. Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a créé cela, une sagesse. Allah a créé la faim. La soif, la faim que ressentent les gens, la soif que ressentent les gens, c'est les gens qui l'ont créé ? C'est les hommes qui l'ont créé ? C'est qui l'a créé ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Donc, parce que quand je vous vois que vous répondez pas, j'ai l'impression que vous doutez ou... Non, vous êtes sûr. La faim, par exemple, et la soif, c'est Allah, Jalla qui a créé. C'est Allah qui a créé cela. Donc, le shir nous dit, aussi bien la faim et la soif, ça a été créé, il y a une sagesse. Allah a créé cela et derrière, il y a une sagesse. Et parmi ces sagesses, le test, la mise à l'épreuve. Allah teste et met à l'épreuve. Et parfois, il y a même de la récompense. Parce que regardez, lorsqu'une personne jeûne, il se prive de toute boisson et de toute nourriture, donc il va connaître la faim. Il va connaître la faim. Jusqu'à ce qu'il puisse rompre son jeûne. Cette faim-là qu'il va connaître, il la connaît dans le sentier d'Allah. Il la connaît pour Allah. C'est-à-dire, il va la subir et la ressentir pour Allah. Il sera récompensé pour cela. Il sera récompensé pour cela. Et parfois, certains sont touchés par la faim. C'est une épreuve. Et Allah, ensuite, élève et purifie les gens par cela. Donc, Allah, Jalla wa Ala, a tout créé. A tout créé. Et il y a une immense sagesse à travers cela. Regardez. Iblis, Shaitan, le Satan lapidé. Allah, Jalla wa Ala, l'a créé. Il l'a créé. Derrière la création de l'Iblis, il y a une grande sagesse. Il y a une immense sagesse. Il faut toujours, c'est pour cela, avoir un bon soupçon vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah avait ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam, Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam. Est-ce que Iblis avait le choix? Il avait le choix. Donc il avait le choix soit d'obéir au Seigneur, soit de désobéir. Donc personne ne pourra dire qu'Allah Jalla wa Ala ne lui a pas donné le choix. Allah lui a donné le choix. Sauf que Iblis a choisi l'orgueil. De s'enfler d'orgueil et de ne pas se prosterner pour Adam. Allah Jalla wa Ala lui a ordonné de se prosterner pour Adam. C'est lui qui n'a pas voulu se prosterner pour Adam. Et c'est lui qui était la cause, donc, de son bannissement. C'est lui. C'est lui qui est la cause de son bannissement. Et s'il est châtié ensuite, c'est par justice et équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, Allah Jalla wa Ala lui a donné le choix. Il lui a fait montrer le bon chemin. Il lui a dit, prosterne-toi devant Adam. Il s'est enorgueilli. Il a pensé qu'il était meilleur qu'Adam parce qu'il est créé de feu. Alors qu'Adam, il a dit qu'il était créé d'argile. Donc il s'est enorgueilli et n'a pas voulu se prosterner. C'est lui qui a choisi cela. Allah lui a fait montrer et lui a ordonné le bon chemin. Fa'aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Il a refusé, il s'est enorgueilli, il a fait partie de al-kafirin. Tafadhal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا Taïb. Donc pour terminer, il y a des choses à dire, c'est très important pour conclure ce cours. Donc, vous avez vu, en toute chose, il y a une sagesse. Toute chose, il y a une sagesse. Et parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses, elles sont aimées en elles-mêmes. Il y a des choses comme, et ça c'est un grand savant qui l'explique, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, il y a des choses qui sont mahboub. Mahboub, ce qu'on appelle mahboub li dhati, qui sont aimées en elles-mêmes. Il y a des choses, mashallah, regardez par exemple, une personne, par exemple, qui a faim, il y a de la nourriture, des bons aliments, des bons fruits, des bons légumes, on les aime. C'est des choses qu'on aime. Parfois, nos envies, on a envie de choses, des bonnes choses, des choses licites qu'Allah Jalla wa Ala nous a rendues licites. Fal insan yashtahi ila ashiya. Elle est mahbouba. Il y a des choses qu'on aime pour elle-même. Taïb. Mais il y a des choses qu'on aime, pas pour elle-même. Walakin li ghayriha. Donc, elle mahboubat, tanqasim la qismain. Elle mahboub li dhatihi ou elle mahboub li ghayrihi. Les choses bonnes et qu'on aime, elles se divisent en deux catégories. Les choses qu'on aime en elles-mêmes, les bons aliments, les bonnes nourritures, et toutes les choses que l'homme aime, l'être humain en général aime. Écoutez bien. Et des choses qu'on aime, pas pour elles-mêmes, mais pour autre chose. Quelque chose qui n'est pas apparent, mais qui est derrière, on va dire, avec nos termes à nous. Pour autre chose. L'iréliha. Par exemple. Personne, il est malade. Est-ce qu'il veut la guérison? Il souhaite la guérison. Il va prendre un médicament ou un remède parfois qui est amer, qui est dur. Vous voyez, des fois, il est obligé de faire une piqûre qui est douloureuse. Ou parfois, il y a des remèdes qui sont très douloureux. Vous avez vu? Très douloureux. La personne, il va quand même avoir recours à ce remède. Est-ce que parce qu'il aime le remède? Non, c'est pas le remède qu'il aime en lui-même. « Laysa mahboub li dhati, lakin li ghayrihi, li'annahu yurid ash-shifa. » Il va pas l'aimer en lui-même, mais ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a derrière, c'est quoi? La guérison. Donc, en lui-même, le remède, il aime pas trop, mais ce qu'il veut, c'est ce que va générer et le résultat de ce remède. Vous comprenez cet exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Jalla wa Ala a tout créé. Subhanahu wa ta'ala. On revient au négateur. Les négateurs de destin ont dit non, Allah a créé le bien et les hommes, eux, ont créé leurs actions. Et donc, le mal. C'est comme si ici, ils ont cru en deux créateurs. C'est quoi la aqida de l'Majus? Vous vous rappelez la aqida de l'Majus? Ahsant, la divinité du bien et du mal. Lorsqu'on avait, lisé dans le livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi, qui est imam, alim, fi Misr, min a'immat Misr, wa ismuhu, الإمام المقريزي ومعروف وفي التاريخ كذلك في علمه في التاريخ وفي التوحيد فعنده كتاب وذكر يعني عقيدة المجوس وذكر أقوال ابن القيم الجوزية et dans تجريد التوحيد المفيد il va parler et المجوس eux adoraient le Seigneur deux Seigneurs du bien et du mal et pour eux la lumière crée le bien et الظلمة l'obscurité crée le mal vous comprenez crée le mal ça veut dire ils ont cru en ils ont adoré deux seigneurs. Ça ressemble à la aqida de al-qadariya. Qadariya qui pour eux, il y a le créateur du bien et le créateur du mal. Les hommes auraient créé le mal et le seigneur serait le créateur du bien. C'est comme s'ils croient en deux créateurs. C'est pour cela al-qadariya majus ou hadihi al-umma. Majus hadihi al-umma. Le Cheikh Abd al-Mawsil Abad fait référence à une histoire pour bien qu'on puisse comprendre cela. Et il dit que son shir, qui est le shir Mohamed Amin al-Shaqiti, son shir, il a évoqué dans un livre une histoire. Un jour, il y a un bédouin. Il est rentré. Un bédouin est rentré. Il a posé une question. Il a vu justement Amr. Il a vu Amr ibn Ubayd. On avait vu Amr ibn Ubayd, c'était l'une des têtes de l'Mu'tazila. On avait dit Wasil ibn Atta et on avait dit cet homme Amr ibn Ubayd, qui faisait partie des fondateurs des têtes de l'Mu'tazila. Un jour, il y a un bédouin qui a rendu visite à Amr ibn Ubayd, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, « Ya Amr, invoque pour moi, Allah li. » Il dit, « J'ai perdu mon ânesse. » J'ai perdu, c'est-à-dire son âne. Il avait perdu son âne. Il a dit, « Ya Amr, invoque Allah pour moi, pour que je puisse retrouver mon ânesse. » Pourquoi? Parce qu'elle a été volée. Il l'a perdu parce qu'elle a été, volée. Alors Amr ibn Ubayd lui répondit, il répondit à sa demande favorablement et il fit du'a. Il dit au Seigneur, son ânesse lui a été volée, mais tu ne voulais pas cela, rends-la lui. Regardez, vous avez compris là, l'erreur dans le Doha, et comme lui faisait partie des têtes de Al-Mu'tazila, ce sont des négateurs du destin. Regardez, je vais vous la lire en arabe. En arabe, il y a le kalem, il y a kunna. Faja arabiyun ila Amr ibn Ubayd, faqala lahu ud'u Allah li, an yuradda alayya himaratan suliqat minni. Faqala Amr ibn Ubayd, Allahumma inna himaratahu suliqat, walam turid siraqataha, ou sariqataha, walam turid sariqataha. Fardudha ilay, ou alay, fardudha alay. Alors, il dit, ô Seigneur, il fait l'invocation, Amr ibn Ubayd, son ânesse a été volée, mais toi, tu n'as pas voulu qu'elle soit volée. Fais en sorte qu'elle lui soit rendue. Regardez ce que va lui dire Hadar Rajul, qui était sur une bonne croyance. Wahou Ahammi, il fait partie de la masse des gens. Regardez, mais c'est la nature, la naturité, la nature saine, innée, pure. Regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, il va s'écrier. Oh là là, épargne-moi de cette invocation odieuse. Je veux plus de ton invocation. Il lui dit, khlas, morid yani do'aek. Je veux plus de ton invocation, khlas. Ton invocation, épargne-moi de ton invocation. Il dit, si elle a été volée et qu'Allah ne le voulait pas, alors il se peut qu'il veuille me la rendre, mais qu'elle ne me soit pas rendue. Vous avez compris? Si elle m'a été volée et qu'Allah ne le voulait pas, alors il se peut qu'il veuille me la rendre, mais qu'elle ne me soit pas rendue. Regardez, il a compris. On ne peut pas dire qu'Allah ne l'a pas voulu. Il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. Sauf qu'il y a des choses qui se passent sur terre, que Allah a décrété que ça se passe, a permis que ça se passe, sauf qu'Allah n'aime pas. Allah n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Et aussi, donc ça, Al-Qadari, il y a les négateurs du destin. C'est un extrême. Il y a un autre extrême, c'est Al-Jibriya. Ceux qui pensent que on est contraint. Et ça, c'est faux. Et on en a parlé hier. Et on discutera de cela dans le cours prochain. Inch'Allah. Donc, Al-Muhim, on termine. Juste, on clôture ce cours, Inch'Allah, avec un hadith du prophète. Il est rapporté, c'est un hadith que Rawal Imam Al-Tabarani, qui est authentifié par Sheikh Al-Albani. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dhakara li ashabi, il a dit à ses compagnons, idha dhukara al-qadr fa amsiku. Lorsqu'on vous évoque le qadr, ou lorsqu'il y a une polémique, un débat sur le qadr, lorsque le qadr vous est évoqué, amsiku, abstenez-vous-en. Attention, ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-qadr, comme dit l'imam al-Tahawi, on avait dit, il dit c'est le secret d'Allah, c'est le domaine défendu. Il ne faut pas se poser des questions sur ça. Et beaucoup de gens parmi les nations précédentes ou كَذَلِكَ مِنْ أُمَّتِنَا ضَلُّوا بِسَبَبِ الْأَسْئِلَةِ كَثْرَةَ السُّؤَالِ. Beaucoup de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi Allah fait comme cela? Pourquoi Allah a décrété ceci? Pourquoi Allah a ordonné cela? Pourquoi Allah a interdit cela? On n'a pas le droit. Allah جَلَّ وَعَلَى لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ. Allah لَا يُسْأَلْ لَكِنْ نَحْنُ سَنُسْأَلْ. Mais nous on sera interrogé pour ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Fallah jalla wa'ala la yus'al. Il ne faut pas se poser ces questions. Pourquoi Allah interdit telle chose? Pourquoi ça c'est haram? Pourquoi ça c'est halal? Pourquoi il s'est produit telle chose? Là, on ne rentre pas dans ces questions-là. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal wa nukmil al-kalam bihad al-hadith idha dhukira al-qadr fa'amsiku. Fa'amsiku, abstenez-vous-en. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.